L'injection commença. Nous réussirons, dit le capitaine, après avoir suivi et contrôlé, par de nombreuses remarques, les progrès de l'opération. Je le pense, me répondit-il. Nous ne serons pas écrasés. Nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre. Le lendemain, 27 mars, 4 mètres seulement restaient à enlever. Au bout de 48 heures de travail, 2 mètres encore nous séparaient de la mer libre. Mais les réservoirs étaient presque vides d'air. Le lendemain, ma respiration était oppressée. Aux douleurs de tête se mêlaient d'étourdissants vertiges qui faisaient de moi un homme ivre. Mes compagnons éprouvaient les mêmes symptômes. Quelques-uns de l'équipage râlaient. Le Nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas un mètre d'épaisseur et que les sondes avaient trouvée en 1000 endroits. Les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand et 100 mètres cubes d'eau s'y précipitèrent, accroissant de 100 000 kg le poids du Nautilus. Nous attendions, nous écoutions, oubliant nos souffrances, espérant encore. Nous jouions notre salut sur un dernier coup. Malgré les bourdonnements qui emplissaient ma tête, j'entendis bientôt des frémissements sous la coque du Nautilus. Un dénivellement se produisit. La glace craqua avec un fracas singulier, pareil à celui du papier qui se déchire. Et le Nautilus s'abaissa. « Nous passons !» murmura Conseil à mon oreille. Tout à coup, emporté par son effroyable surcharge, le Nautilus s'enfonça comme un boulet sous les eaux, c'est-à-dire qu'il tomba, comme il eût fait dans le vide. Alors, toute la force électrique fut mise sur les pompes qui, aussitôt, commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. Après quelques minutes, notre chute fut enrayée. Les heures qui s'écoulèrent ainsi, je ne saurais les évaluer. Mais j'eus la conscience de mon agonie qui commençait. Je compris que j'allais mourir. Soudain, je revins à moi. Quelques bouffées d'air pénétraient dans mes poumons. Étions-nous remontés à la surface des flots? Avions-nous franchi la banquise? Non, c'était Ned et Conseil, mes deux braves amis, qui se sacrifiaient pour me sauver. Quelques atomes d'air restaient encore au fond d'un appareil. Au lieu de le respirer, ils l'avaient conservé pour moi. Et, tandis qu'il suffoquait, il me versait la vie, goutte à goutte. Je voulus repousser l'appareil. Ils me tinrent les mains, et pendant quelques instants, je respirais avec volupté. Il était 11 heures du matin. Nous devions être au 28 mars. En ce moment, le manomètre indiqua que nous n'étions plus qu'à 20 pieds de la surface. Le Nautilus, poussé par sa puissante hélice, attaqua l'icefield par en dessous, comme un formidable bélier. Il le crevait peu à peu, se retirait, donnait à toute vitesse contre le champ qui se déchirait, et enfin, emporté par un élan suprême, il s'élança sur la surface glacée qui l'écrasa de son poids. Le panneau fut ouvert, on pourrait dire arraché, et l'air pur s'introduisit à flot dans toutes les parties du Nautilus.